Également rapporté selon Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, avant qu'Allah lui indique ces deux mu'awidatan, et avant qu'elles soient révélées, il cherchait refuge auprès d'Allah en utilisant beaucoup d'invocations. Il cherchait refuge auprès d'Allah contre le mal de l'djinn et le mal des humains, notamment contre le mauvais œil de l'djinn et le mauvais œil des humains, comme ça a été cité dans la version de Nasa'i. Il cherchait refuge auprès d'Allah contre le mauvais œil de l'djinn et le mauvais œil des humains. Naam, pour celui qui entend ça pour la première fois, sache que l'djinn touche également avec le mauvais œil. Et pour s'en protéger, c'est très simple. Tu dis Bismillah quand tu portes tes vêtements et Bismillah quand tu rentres et quand tu retires tes vêtements. Et combien de personnes a été touchées parce qu'elle s'est déshabillée et elle a eu des problèmes suite à ça, sans pratiquer la sunna, sans dire Bismillah. Quand tu dis Bismillah, Allah met un voile entre toi et les djinns, ils te voient plus. Quand tu poses une chose, dis Bismillah. Comme ça, tu ne feras pas de mal à un djinn. Quand tu vas aux toilettes, tu fais l'adhkar, afin qu'Allah te protège, yani, du mal de shayatin et de djinn. Mais quand ça a été révélé, les deux mu'awidat, qul a'udhu bi rabbi falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, le prophète alayhi salam a arrêté d'utiliser toutes ces invocations. Il s'est tenu uniquement à ces deux mu'awidatayn. Yani, ça remplace tout ce qu'il disait. Et dans des hadiths, il disait beaucoup de adhkar, alayhi salatu wassalam. Également, le mu'awidat, les trois, qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, ça se dit dans adhkar al-sabah et dans adhkar al-masa. Ça se dit dans adhkar al-sabah et dans adhkar al-masa. Ça se dit trois fois. Et ça, ça te suffit. Mais comme j'ai dit hier, ça te suffit contre tout mal. Mais ça, c'est quand toutes les conditions sont réunies. Et comme nous, on est faible, il est recommandé, l'être humain, de manière générale, est faible. Le Nabi A.S. regardait tout l'adhkar qu'il utilisait. Malgré qu'il va faire ces choses-là, on est dans un état que nous, on ne peut pas atteindre. Et dans une compréhension qu'on ne peut pas atteindre. Et dans une concentration que nous, on ne peut jamais avoir. Alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, il multipliait les causes. C'est pour ça qu'il est recommandé de multiplier les causes. Même si tu lis dans un hadith, de dire « Qul wallah, qul a'udhu bi rabbi falaq, qul a'udhu bi rabbin nas » trois fois au matin et au soir, ça te suffit contre tout mal. Yani, multiplie les causes et renforce ton bouclier au maximum.